On va parler de baseball avec notre ami Jacques Doucet. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas parlé. Salut Jacques. Salut Danick. Jacques, hey, en terminant, le temps passe vite. Hein. Je t'ai pas dit ça en dehors des ondes, mais deux anciens expos qui sont décédés au cours des dernières semaines. Johnny Paradis, il n'a pas joué longtemps avec les expos. Mais non, lui, il n'a pas joué longtemps à lui. Ouais. Non. Mais lui, et aussi Al Dews. Paradis, je l'ai connu, mais Dews, je ne l'ai pas connu. Oui, Al Dews, je me souviens, c'est un lanceur, ça. Ouais. C'était un lanceur droitier, si je ne m'abuse, puis au tout début de l'histoire des expos, presque. Mais lui avait connu une bonne première moitié de saison, hein? Oui. Mais, à un certain moment, on dirait qu'on a trouvé ce qui manquait. Ouais, c'est ça. Puis il est parti. Ben oui. Jacques, grosse nouvelle ce matin, c'est le Globe and Mail qui a sorti ça, puis c'est reporté par pas mal tous les médias au Canada. Les Blue Jays, surtout Rogers, qui voudraient démolir le centre Rogers, qui est l'ancien Sky Dome, et reconstruire un nouveau stade. C'est fou comment le temps passe vite. Hein. Je me rappelle quand le centre Rogers a ouvert, là, ce qui était Sky Dome, c'était le stade moderne des majeurs. Puis là, aujourd'hui, après Tropicana Field, j'ai pas été au St. Roger, mais je suis allé dans plusieurs stades. Puis à voir les images, ça me semble. C'est vrai que c'est un stade qui semble vraiment rendu à notre époque. Ben, moi, je trouve qu'il est très convenable. Ouais. Le toit coule pas encore, là. Mais sûr. De toute façon, si on se fie à ce qui a été écrit, c'est un projet qui va prendre 7 à 8 ans. Ouais. Alors, puis c'est beaucoup d'argent. Moi, je préférerais de voir les Blue Jays investir présentement dans quelques joueurs autonomes. Pour donner un peu de corps, d'expérience à leurs jeunes éléments qui sont très bons. Et puis, en ce qui concerne, tu sais, il reste encore beaucoup, beaucoup d'étapes à franchir avant que ce projet-là prenne vraiment naissance, qu'il prenne racine. Mais c'est bien d'en commencer à en parler. C'est bien de commencer à en parler. Hein? Ah ben oui, mais c'est pas la première fois qu'ils en parlent. Hein? OK. Je sais qu'ils ont quelques terrains qui sont en vue. Il y en a un qui n'est pas tellement loin du centre Rogers, puis l'autre qui serait sur le bord de l'eau. Là. Mm-hmm. Alors, on va laisser le temps passer, mais comme je te disais, Danny, moi, ce qui m'intéresse présentement, ce serait si les Blue Jays pouvaient aller chercher un ou deux très bons joueurs autonomes pour donner de l'expérience. Si on se fie à toutes les nouvelles, c'est le fun, on remarque bien, mais ils vont tous venir à Toronto. Ben écoute, on voit que les Blue Jays ont une très bonne jeune formation et que d'ici 3 ans, ils pourraient aspirer aux grands honneurs. Alors, lorsqu'on parle de joueurs qui sont peut-être pas encore en fin de carrière, mais qui peut-être il leur reste encore un six ans avant de boucler la boucle, ben tu sais, c'est intéressant pour eux de dire, ben écoute, je vais me joindre à une jeune équipe. Moi, j'ai de l'expérience. Et si je peux les aider, bien, qui sait, peut-être que dans 2-3 ans, eh bien, on pourra frapper à la porte. Qu'est-ce qu'on a le plus besoin? Est-ce que c'est... actuellement, il y a toutes sortes de rumeurs. Là, je suis en ancienne sur un des joueurs des Cards de Saint-Louis, Wong, le joueur de deuxième but. Qu'est-ce qu'on a le plus besoin? Moi, je pense que c'est de releveur numéro 1, parce que là, Ken Giles, c'est l'opération Tommy John. Il sera pas de retour là, non. Du moins dans un avenir immédiat. Ouais. Mais pour l'instant, en ce qui me concerne, moi, les Blue Jays ont besoin d'un receveur. OK. Jensen est un bon premier dans le moment. Ouais. Alejandro Kirk, je pense pas qu'il soit prêt. Alors, ça prendrait un receveur d'expérience pour seconder Jensen. Je pense pas que McGuire soit la solution. Non. Et ça pourrait permettre à Kirk de se développer peut-être pendant une demi-saison, une saison complète dans les rangs mineurs pour ensuite se joindre avec le gars d'expérience ou avec Jensen. Parce que Jensen, c'est un gros point d'interrogation pour la saison 2020. Il avait démarré en Lyon au camp d'entraînement le premier. Il menait l'équipe pour les coups de circuit, les points produits, et soudainement, tout s'est effondré. Il a plafonné en 2020. On verra qu'est-ce qui va arriver au prochain camp d'entraînement et dans quelle attitude il va se présenter au camp. Ouais. À part ça, ben, je pense qu'ils ont besoin d'un lanceur partant. Okay. pour seconder. Parce que, tu sais, ils ont Ryu, ils ont Ray, qu'ils ont réembauché. Moi, j'ai confiance. Ils ont deux jeunes, Pearson et Zoic. Ouais. Mais ils ont besoin d'un autre lanceur partant d'expérience. Là. Moi, j'en ai confiance à Robert Ray parce que il a connu une très mauvaise saison, mais c'est un gars de 15-16 victoires les autres années. Ah ouais, non, moi aussi, j'étais bien content quand j'ai vu que les Blue Jays l'avaient. Et du côté de la relève, moi, je suis pas un grand fan de Dolis, mais n'empêche, il a fait le travail. Et si Romano revient en santé cette année, ben, tu sais, tu rajoutes à ça Reed Foley, puis peut-être un gaucher parce que ils ont quelques gauchers là, qui sont en coulisses qui pourraient agir comme releveurs. Et ça, c'est parce qu'ils sont pas prêts pour aller frapper à la porte de la Ligue mondiale là, en 2021. Là. Alors, faut pas mettre la charrue en avant des bœufs, comme on dit. Et puis, à l'avant-champ, moi, je vois pas pourquoi qu'ils recherchent un joueur de deux. Est-ce que Lindor serait... Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et on sait que Shapiro et... Ça me surprendrait. Lindor que... Oui, mais tu sais, il coûterait très cher. Ouais. Et dans le moment, je pense qu'ils sont bien servis, surtout avec un Vladimir Guerrero qui a l'air... compris le message et qui se remet en forme, là. Ouais. Il aurait perdu une trentaine de livres. Et, il serait pas farfelu de penser qu'on pourrait le retransférer au troisième but. Et Tellez, tu sais, c'est pas un mauvais gars au premier coussin, dans le moment. Non. Mais on aurait peut-être besoin d'un autre voltigeur, par exemple. Ouais. Mais dans le cas de Vladimir, je pense que ça l'a comme foudroyé un peu, hein, de voir que ça l'a comme fouetté un peu, parce que c'est. Qu'on l'a transféré au premier but comme frappeur de choix. Hein? Ben oui, mais c'est de sa faute. Ben oui, c'est ça. Tu sais, il surveillait pas son alimentation, il a pas pris le camp d'entraînement au sérieux, et puis, tu sais, il voit que les autres jeunes joueurs, les jeunes joueurs prometteurs, que ce soit à San Diego ou encore avec les White Sox, ou, tu sais, il y en a des jeunes qui poussent, là. Ça lui va pousser dans le dos, là. Fernando Tatis Junior, Robert... Ah oui, non, tu sais, il y a une bonne cuvée de jeunes là, qui sont en train de faire leur place dans le baseball majeur. Et là, Vladimir, il se voit tasser. Et tu sais, c'est dommage que son père n'a pas été un bon exemple en ce qui concerne, tu sais, le prendre soin de son corps, puis prendre soin de son alimentation, parce que Vladimir Senior, s'il avait fait attention, tu sais, qu'il avait été en shape, comme on dit, tu sais, il aurait pu ajouter un 4-5 ans à sa carrière. Facile. Il aurait frappé peut-être 600 coups de circuit. Et 3000 coups sûrs. Oui, alors, tu sais, c'est dommage que l'exemple du paternel n'ait pas pu profiter au jeune Vladimir, mais là, je pense qu'il y en a qui lui ont parlé dans le creux de l'oreille. Et, moi, je serais pas surpris si vraiment il continue sa remise en forme, qu'on le retransfère au troisième but. Puis là, tu sais, avec Bichette, puis avec Biggio, puis Tellez au premier but, on est assez bien servi, là. Puis Austin Martin qui s'en vient aussi. Oui, mais ça, c'est encore, il a été repêché l'année passée, cette année, là. Fait que, on ne mettra pas, encore une fois, on ne mettra pas à charrier devant des bœufs, là. Jacques, je veux te parler du temple de la renommée. Il y a une belle cuvée cette année. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, j'ai parlé avec Marc la semaine passée, puis Marc était d'accord avec moi. Il est en Luke Bonds, Roger Clemens et Manny Ramirez se rendent à Cooperstown. Oui, ils ont triché. Par contre, le baseball a fermé les yeux, puis à quelque part, ça faisait leurs affaires. Et de deux, les stéroïdes, ça donnait pas un œil au bâton. Puis Bonds, les trois étaient des joueurs dignes du Hall of Fame. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, il y a Bonds puis Clemens, là. Puis Manny Ramirez aussi. Qui? Manny Ramirez. Oui, peut-être. Mais surtout les deux premiers, là. Ouais. Évidemment, on va entendre parler beaucoup de Pete Rose, là. Oui, c'est sûr. Puis c'est avec raison, là. Mais Rose, es-tu d'accord peut-être avec moi? Qu'un jour, peut-être qu'un jour, mais que Robert Manfred, peut-être pas pour l'instant. Manfred, il y a 2 ans, l'avait comme entrouvert la porte, puis il s'est pas aidé aussi. Ah, ben oui, mais tu sais, il est son propre ennemi, lui. Oui. C'est dommage, là, mais c'est ça. Tu sais, s'il avait admis sa faute en partant, qu'il avait fait un meilleur coup de pas, ben probablement qu'on aurait été plus enclin à le gracier. Ben c'est la mode dans le moment aux États-Unis de gracier. Ouais. Ouais. Fait que non. Alors, non, tu sais, je crois que il est temps que... puis je pense qu'on a une nouvelle génération de personnes qui sont éligibles à voter pour le Temple de la Renommée. Et eux sont plus ouverts que les vieux de la vieille qui, eux, étaient des purs. Tu sais? Alors, à ce moment-là, il serait temps qu'ils arrivent. Dans le cas de Bond, c'est peut-être aussi parce que il n'a pas été gentil avec les médias. Oui, mais y a-t-il nommé Steve Carlton qui était gentil? Eddie Murray aussi? Eddie Murray, exactement, puis ils sont là. Ouais. Alors, ouais. À un certain moment, évidemment, les gens des médias peuvent prendre leur revanche comme ils l'ont fait avec Steve Carlton après qu'il ait été élu au Temple de la Renommée. Il courait après les journalistes pour qu'on lui fasse des entrevues. Les journalistes ils ont dit « Où t'es-tu tant qu'on avait besoin de toi? » Ah, c'est ça. Alors, mais ça ne l'empêche pas qu'il est là. Ouais. Un gros merci, on se reparle durant le temps des fêtes. OK, mon ami. Salut. Jacques Doucet qui nous parlait du baseball.